De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, quand des archéologues découvrent des outils fabriqués avec des ossements sur un site archéologique, ils veulent bien entendu savoir d'où ils proviennent. Mais les analyses les forcent à faire des prélèvements, donc à détruire une petite partie de ceux-ci. Alors récemment, une nouvelle méthode d'identification moins invasive a été développée et Marie-Claude Dionne est venue nous en parler. Bonjour Marie-Claude. Bonsoir François, je parlerai en effet de l'identification d'ossements dans le cadre de recherches ou d'analyses qui sont en archéologie préhistorique. Mm-hmm. Et puisqu'il est souvent impossible de savoir quelle a été l'espèce animale utilisée pour la fabrication des divers objets, outils entre autres, il est donc nécessaire de faire certains types d'analyses pour être en mesure tout simplement d'identifier l'artefact. Effectivement, en os. Parce que c'est pas écrit sur l'os. Exactement. Et depuis toujours, les archéologues se sont intéressés à en apprendre davantage sur les outils qu'utilisaient et façonnaient les hommes de la préhistoire. Ce qui est certain, il y a eu des choix pratiques, des choix fonctionnels et des choix symboliques qui ont tous dicté la sélection de la matière première à utiliser lors de la fabrication d'outils. Il est toutefois difficile de discerner ces choix si on n'est même pas capable de reconnaître la matière première utilisée. Mm-hmm. Les méthodes d'identification présentement utilisées nécessitent toutefois et ultimement qu'on détruise une partie du vestige archéologique afin qu'on puisse faire des analyses chimiques ou physiques pour détecter les masses moléculaires. Et puisque le but d'un archéologue est quand même de préserver le plus longtemps possible et le plus intégralement possible un artefact, on a sûrement mis sur pied une nouvelle méthode d'identification moins destructrice, si je pourrais dire. Exactement, c'est exactement le cas. Parce que oui, nécessairement, la technique traditionnelle d'identification en zooarchéologie, qui est la spectrométrie de masse, mm-hmm. va impliquer qu'on prenne un petit bout de l'artefact afin de le broyer pour le mettre dans une grande machine, une grosse machine, qui va analyser les molécules de l'échantillon. Donc, ultimement, on abîme l'intégrité de l'artefact. Ouais, c'est un peu dommage. C'est ça. Mais aujourd'hui, on nous présente dans l'édition du mois de juillet de cette année du Nature un rapport scientifique sur une nouvelle méthode d'identification zooarchéologique. La recherche a d'ailleurs été menée par un collectif de scientifiques à travers le monde et ces chercheurs se sont penchés à analyser des pointes de flèches en os provenant d'un site iroquoien pré-contact. Là, si on se pose la question, c'est quand la date d'un site pré-contact? Mm-hmm. Ça date environ du milieu du 14e siècle et ça va jusqu'à la fin du 16e siècle. Et le site en question est situé au sud-ouest de Montréal, à peu près à 75 kilomètres. D'accord. Et pourquoi les archéologues s'intéressent tant à connaître davantage ce type d'artefact? J'ai mentionné un petit peu plus tôt que les humains faisaient des choix symboliques, entre autres, pour la matière première des objets qu'ils fabriquaient. Ouais, ouais. Il y a plusieurs anthropologues et préhistoriens qui ont noté qu'il y avait un lien spécial entre les divers objets utilisés par les humains de la préhistoire et les animaux. En fait, on prétend que les animaux auraient été perçus comme étant des objets un peu hybrides, entremêlés, qui sont en même temps matériels et des créateurs d'identité. C'est assez complexe. Mm-hmm. Quand on explore les croyances d'aujourd'hui, on peut même aller aussi loin que pour certains chasseurs de groupes indigènes contemporains, ils vont penser que les animaux sont des personnes non humaine, si on veut, uh-huh. qui possède des responsabilités, des mœurs et de l'agentivité. C'est quoi l'agentivité? Ouais. En fait, c'est la capacité des individus d'agir indépendamment de leur structure sociale et de faire librement leur propre choix. Donc, c'est très humain comme prétention vers les animaux. Tout à fait. Le problème pour les archéologues, c'est qu'ils ont accès seulement à la culture matérielle qui est associée à la chasse, mais ne disposent pas, comme les anthropologues, de récits ou d'explications sur la mythologie ou sur la cosmologie. Donc, depuis bon nombre d'années, les recherches ont porté principalement sur la fonction des objets retrouvés et aussi l'accessibilité de la matière première. Ouais. Et là, aujourd'hui, les recherches tendent à transposer le type de croyances des groupes indigènes contemporains à ceux des groupes et des cultures de la préhistoire. Et mais là, n'en demeure pas moins qu'on manque quand même un peu de preuves tangibles pour expliquer certaines choses. Tout à fait. Et la présente étude se veut une exploration du rôle, voire peut-être même des rôles, qu'ont joué les ossements dans la culture matérielle des sociétés iroquoiennes, parce qu'à tout le moindre, les animaux ont bel et bien été utilisés à des fins alimentaires, on le sait, uh-huh. utilitaires aussi, uh-huh. mais également, on pense, on suppose qu'il y aurait aussi une expression, une tentative d'expression symbolique. Alors, Marie-Claude, quelle est donc cette nouvelle méthode d'identification des os? Tu peux nous en parler? Oui, en fait, les chercheurs sont partis d'une précédente analyse des résultats qui expliquaient comment on était capable, avec une gomme à effacer, d'identifier l'espèce animale qui avait été utilisée pour la fabrication de parchemin à l'époque médiévale. Ouais. C'est une technique qui est non invasive et fort efficace. Et on suppose que si par le contact seulement, on était capable d'avoir assez de protéines pour l'identification, comme une gomme à effacer sur le parchemin, ben, peut-être qu'il était possible de transposer cette idée-là sur les ossements qui étaient laissés assez longtemps dans leur sac de conservation, des sacs qui sont en plastique. Et les pointes de flèches qui ont été retrouvées sur le site archéologique proche de Montréal avaient été d'ailleurs entreposées dans des bons vieux sacs Ziploc. On pouvait alors supposer que l'outil, donc l'ossement, avait été en contact avec le polyéthylène qui pouvait générer une charge triboélectrique. Mais avant d'aller plus loin, Marie-Claude, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la triboélectricité? Ah oui, en fait, il s'agit tout simplement d'un phénomène électrostatique qui crée, par la mise en contact de deux matériaux de nature différente, il y a une partie des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux qui va être transférée sur l'autre. Et ce transfert-là va demeurer même après la séparation des deux matériaux. D'accord. Donc, spécifiquement pour l'étude, on a vu que la friction du contact du plastique, donc une charge qui était négative, avec la protéine, l'ossement, donc là c'est une charge positive, va enlever les électrons de la protéine, ce qui va amener une électrification et va permettre aux molécules de protéines de l'ossement d'être retirées de l'artefact et de se coller sur le sac. Okay. Cette méthode-là, bien sûr, elle implique que le sac n'a jamais été en contact précédemment avec un autre vestige archéologique, moins un autre os. Parce qu'il y avait contamination. Ouais. Exactement. Ça va fausser les résultats. Et malheureusement, pour cette méthode d'identification-là, ben c'est souvent le cas. Les archéologues sont assez verts, ils sont éco-responsables, ils vont réutiliser les sacs. Par contre, les archéologues ont au fait de s'assurer qu'une telle contamination n'avait pas affecté les résultats. On s'est assuré que les sacs n'avaient pas été réutilisés. Et pour ce faire, pour confirmer ça, les données ont été comparées avec d'autres types de méthodes lorsque c'était possible. Okay. Et vous savez quoi? Les identifications ont toutes été confirmées. Donc, ça allait de bon train. C'est une méthode qui s'avère être fort efficiente en même temps et fort prometteuse pour l'avenir. Puis, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et finalement, qu'est-ce qui a été trouvé? Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est qu'il y avait une très grande quantité de restes phoniques sur le site archéologique. Puis, on compte une centaine d'outils en os complet ou des fois fragmenté, puis on a aussi des débris de fabrication. On a vraiment beaucoup d'artefacts. Uh-huh. Et aussi, il faut savoir que dans la région, on compte beaucoup de chevreuils et de castors. Donc, initialement, les chercheurs ont cru que les outils étaient faits à partir d'os de chevreuil, parce que ça se trouve en abondance, et aussi, c'est une espèce largement connue comme étant utilisée pour la fabrication d'outils. D'accord. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que c'est pas le cas. Les outils retrouvés ici ont été fabriqués par l'ours noir, des ossements d'ours noir et des ossements humains. Okay. L'ours noir est rarement utilisé pour la fabrication d'outils. À date, on n'en retrouve que rarement. On peut donc supposer que, oui, il y a une valeur économique, mais elle est relativement petite. Donc, on l'a peut-être utilisé un petit peu pour la nourriture, mais probablement pas tant que ça. Toutefois, si on en retrouve sur ce site-là, ça doit vouloir signifier qu'on lui prête une certaine valeur pour les gens qui était située sur cet endroit-là. Effectivement. Et cette utilisation-là, couplée avec la présence de celle des humains comme matériaux, donc les ossements d'humains, on peut peut-être même penser qu'on voulait indiquer un choix comme de recréer un lien, en fait, ou une relation qui était très intime entre les deux espèces. On pourrait donc croire que les Iroquois souhaitaient représenter ou transposer les habiletés de chasse des ours noirs dans les mains des chasseurs, pour leur donner une chance. Ouais, et pour terminer, que doit-on retenir alors de cette présente étude, Marie-Claude? En fait, tout d'abord, que le choix de matière première n'était pas anodin pour les Iroquois, donc il est fort probablement intentionnel dans sa représentation d'un lien fort et important pour le groupe aussi. Et les résultats de recherche ont permis d'identifier et d'explorer les traces tangibles d'une relation symbolique entre l'humain et l'ours. Mm-hmm. Et aussi, d'un côté un petit peu plus technique, si on veut, il faut comprendre que cette nouvelle méthode-là d'identification va permettre à de nombreux chercheurs d'aller dans les musées et commencer à analyser des collections archéologiques qui sont entreposées là depuis bon nombre d'années et commencer à les analyser, chose que les conservateurs ne laissent pas parce qu'ils ne veulent pas faire abîmer leur propre collection archéologique. Alors, c'est une bonne chose. Définitivement. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ces explications et pour être venue laisser ton empreinte bio-tribo-électrique à Futur Simple. Alors, comme nous avons encore pas mal de temps, on pourrait peut-être passer en musique, Marie-Claude.